moitié clodo, moitié gangster. Tu couches tes rêves sur le comptoir, tu bois, tu racontes ton histoire. Tu es un mec bien ordinaire, moitié cowboy, moitié berbère. Tu craches ton spin, tes idées noires, une trace de coq sur ton cafard. Tu t'es à poil sur le pavé, tu leur as vomi à la gueule en leur criant que tu étais seul. Tu joues perdant dans tous les coups, la guillotine pour un voyou, mais les flics se sont fatigués pour eux c'est le repos du guerrier. Amours sont vérolés, tous tes copains sont des camés. Arrête de chanter la coca, sans elle tu es fait comme un rat. Avant la scène il faut ta trace, putain de blanche, putain de sa race. Copine, c'est sinistrose, tous tes amours sont vérolés, tous tes copains sont décamés. Arrête de chanter la coca, sans elle tu es fait comme un rat. Avant la scène, il faut ta trace. Putain.